pour camper se parler. Je suis schizo. Je suis l'hippocampe. Marchand de rêve. Voyage, mais tu traînes tes nageoires haut sur le bleu bitume d'une subaquarium et tu t'endors tout au fond d'une mer brune de Guinness. Tu ne peux lâcher plus loin que le quotidien. Tu te casses les dents au quai du bar Formica. Oh, ni le rire des filles, ni le jukebox disco ne te font appareiller. Tu t'adoses au flipper, tu commences à flipper. C'est le début de l'enfer, tu se mets à tanguer. Et l'autre derrière qui n'arrête pas. Thank you. paradis qu'ils ont. Et dans les femmes qui flippent, oh, je suis l'enfant des villes. Hey, je suis l'enfant béton. Hippo, hippocampe, ne ris pas de moi. Poisson fou sous ma plume, à ton crawl sur mes mots, j'ai bu. Les funky jeans. Oh, je suis l'enfant des villes. Hey, je suis l'enfant béton. Hippocampe, ris pas, raconte-toi. Cheval fou sous ma plume, ton galop sur mes mots délire. Thank you.